On va parler avec notre ami Anthony Marcotte. Un chiffre important que la voix du Rocket de Montréal a fait en fin de semaine, d'écrire 800 matchs de hockey. À seulement 30 ans, il y a déjà 800 matchs derrière la cravate et on va le féliciter. Salut Anthony! Salut Danny! Félicitations! 800 matchs, c'est des matchs, ça commence à être des matchs pour un gars qui a juste 30 ans là, en arrière de la cravate. Là. Ouais, c'est pas mal de hockey, effectivement. Je me suis mis à compter mes matchs là, juste avant d'arriver au cap du 500e. Je me disais, on doit approcher le 500. Puis effectivement, à ce moment-là, je m'étais rendu compte que j'étais à peu près une 25 matchs du plateau des 500 il y a déjà quelques années avec l'Armada. Puis par la suite, ça a été l'aventure du Rocket de Naval où je suis descripteur là, pour depuis les 4 dernières années. Donc, c'est certain que c'est du hockey professionnel. À un rythme normal, c'est 76 parties par année. Plus des séries quand il y en a, donc moi je les compte toutes. Donc on est rendu à 800 derrière la cravate, 12 ans de carrière. Ça va vite quand même, j'ai l'impression d'avoir commencé hier, puis on se retrouve 800 matchs plus tard. Je t'ai connu, ben on s'est connu à l'époque que t'étais avec les Sags, mais t'avais commencé avec les Tigres de Victoriaville, je pense. Hein? Exactement, c'est là que ça avait commencé pour moi. Comment ça avait commencé? C'est sûr que ton père était dans la direction des Tigres, je pense. Sais que certains pensent que mon père m'a tout remis cuit dans le bec, mais c'est pas tout à fait comme ça que c'est arrivé. Okay. mon père, oui, au moment où je suis devenu descripteur des Sags, j'étais dans l'organisation, mais il y était depuis belle lurette. Il est actionnaire du club depuis l'arrivée de la concession avec son bureau de comptable, son cabinet comptable, qui sont actionnaires, puis lui s'impliquait comme détenteur de billets de saison, puis par la suite au marketing, mais ce n'est qu'après après tout ça qu'il est devenu gouverneur de l'équipe, puis trésorier de la LHJMQ, mais je suis devenu descripteur avant ces rôles-là. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment de lien. Oui, on me connaissait parce que mon père gravitait autour de l'organisation, mais ce qui est arrivé, c'est qu'à Victo, en 2006-2007, c'est là où le projet de web diffusion des matchs est arrivé dans la ligue. Donc, chaque équipe avait besoin d'un descripteur. Il n'y avait pas de partie à la radio à ce moment-là. Donc, les Tigres avaient créé une audition. Il y avait plusieurs descripteurs, plusieurs analystes aussi qui est arrivé à l'audition. Puis finalement, au départ, je me dirigeais pour être analyste avec un de mes très bons amis, Maxime. Puis, on avait décidé d'inverser les rôles. Et immédiatement, je me suis senti très, très à l'aise dans la description. Puis, c'est comme ça qu'a débuté une super belle aventure, puis qui m'amène 12 ans plus tard avec 800 matchs derrière la cravate. OK. Donc, si je comprends bien, c'est ça qui t'a donné le goût d'aller en ATM à Chicoutimi? Exactement. En fait, je ne suis pas prêt à dire ça parce que j'ai toujours voulu devenir un journaliste sportif d'avance. Okay. Donc, ça n'a pas été... Ça n'a pas été vraiment un facteur parce que je visais aller faire Jonquière bien avant de devenir descripteur des Tigres. Je te dirais qu'au contraire, le fait de devenir descripteur a été un frein pour moi pour me diriger vers Jonquière parce que je vais tomber dans la potion magique. J'étais en amour avec ma job et le fait de m'expatrier au Saguenay, pour moi, était un frein à ça. Mais ce qu'on avait fait la première année pendant mes études à Jonquière, c'est que j'avais divisé le calendrier en deux. Donc, chaque congé scolaire, que ce soit le temps des fêtes ou les deux semaines de relâche étudiante au collégial, ben, j'ai pu faire les matchs de hockey. Donc, cette année-là, j'ai fait une trentaine de parties des Tigres. Donc, j'ai toujours resté collé à la description. Puis, c'est ce qui m'a permis, là, quelques années plus tard, là, quand les droits de diffusion étaient pensés de Kick Radio X au Saguenay, au FM 98, avec l'implication des gestionnaires des Saguenayens dans la station, ben c'est là que ça s'est ouvert. Et puis, comme j'avais un peu d'expérience à Victoriaville, ben ça m'a permis de devenir descripteur des Sags. Oui, effectivement. Aimes-tu toujours ça autant qu'avant? Je te dirais que cette année, forcé d'admettre que c'est une aberration cette année. Il faut que je fasse attention de pas mettre ma passion de côté parce qu'on a une année tellement spéciale. Moi, ce que j'aime, d'abord et avant tout, oui, d'écrire des matchs, tu vis des belles émotions en les décrivant, mais le contact aussi avec les athlètes, en apprendre auprès des entraîneurs, tu sais, des discussions à bâton rompu sans que le micro soit ouvert ou l'enregistreur, j'ai pas ça cette année. Et ça, ça m'a permis d'en apprendre terriblement au cours des dernières années dans le hockey, d'apprendre au contact de coach, de joueurs, etc. Là, cette année, j'ai pas ça. Mais oui, j'aime encore ça, ça c'est bien clair. C'est un peu comme à RDS et TVA Sport, quand ils décrivent des matchs en studio, c'est la même affaire. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. J'ai la chance d'être sur place pour les matchs locaux. J'ai pu me déplacer par mes propres moyens lors d'un programme double à Ottawa au début de la saison. Mais sinon, là, c'est vraiment à l'externe uniquement. Pratiquement pas d'entraînement sont ouverts aux médias. Donc, on doit vraiment se fier à ce que le coach nous dit. Heureusement, Joël est très, très généreux dans ses commentaires. Ça nous aide un peu, sans dire qu'il soit un livre ouvert et nous cache l'information, mais au moins, il nous en dit pas mal, qui nous permettent de comprendre un peu ce qui se passe. Mais c'est tellement une année bizarre que je peux pas vraiment m'arrêter à ça. J'ai l'impression, moi, que c'est plaisant pour les équipes de pas avoir à jauger avec les journalistes comme ça. Oui, mais d'un autre côté, ça se peut, effectivement, ouais. J'imagine que c'est moins complexe pour eux. D'un autre côté, tu veux avoir la meilleure couverture médiatique possible, je pense. Le Canadien n'aura jamais besoin vraiment d'attirer les médias à ses matchs, mais si on descend dans les niveaux inférieurs, moi je pense que Rocket a tout à gagner de maximiser la promotion de son club, puis d'avoir un accès le plus fidèle possible à ses matchs. Donc ça m'inquiète plus ou moins. Je te dirais que dans la Ligue nationale aussi, dans bien des marchés, tu as besoin du plus de médias possible sur place. Donc ça me surprendrait énormément que ce soit une habitude qui soit prise pour bien longtemps. Quand on sera sorti de pandémie, je peux pas croire qu'on ne verra pas les médias dans les vestiaires des joueurs. Je peux pas croire qu'on va aller jusque-là. OK. Deuxième, ton meilleur souvenir, c'est quoi? Oh boy, il y en a tellement. Les Sags, écoute, à niveau régional, c'est quand même intéressant. Là, c'était l'année de Jean-Gabriel Pageau. Ouais, exact. Ça, c'est pour moi l'année la plus spéciale au micro, ça a été cette année-là, 2012, avec les Sags des Hains. La surprise créée contre Shawinigan en 2012, je pense qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que je pense à ce moment très spécial. Ça, c'est la plus grande différence entre ce que je vis présentement comme descripteur dans le professionnel comparativement dans le junior. C'est que, tu sais, junior majeur, c'est vraiment une famille. Puis le descripteur en fait partie. Puis je me sentais vraiment un membre à part entière de l'organisation. Même si tu veux garder quand même ta neutralité le plus possible, ce que j'ai toujours fait très attention, il en demeure pas moins qu'à un moment donné, quand le feu est pris, ben t'embarques dedans. Puis, tu sais, cette année-là, ça a été une année très spéciale. Il s'est passé tellement de choses au cours de l'année. Ben oui. Puis dans les séries, je pense que les gens se sont mis à y croire. Plus ça avançait, on a eu des matchs vraiment spéciaux. La série contre Shawinigan a été âprement disputée. Ça a été une des séries les plus spéciales que j'ai décrites. Puis pour moi, le meilleur match que j'ai décrit dans le hockey, avec l'importance qu'il y avait, c'est probablement le match numéro 1 de la série contre Shawinigan, un match qui s'était terminé 7-6 sur un but de Jean-Gabriel Pageau en prolongation. Ouais. Les Sags, dans ce match-là, avaient effacé un retard de 6-3 en troisième période, forcé la prolongation. Et c'est Pageau là, qui, sur un pied, là, il y avait un talon fracturé dans cette série-là, avait été capable de marquer. Donc ça, c'est tellement des beaux souvenirs. Quand les Sags avaient éliminé Shawinigan, il y avait deux autobus de partisans qui avaient fait le voyage aller-retour cette journée-là, un mardi, pour venir voir le match sur place. Et ces gens-là, évidemment, étaient partis un petit peu plus vite que l'équipe vers le Saguenay. Mais tout le monde, sans exception, était resté. Puis il y a des partisans en plus qui étaient venus nous rejoindre. Il était à vrai 2 heures un petit peu plus du matin. Et les gens nous attendaient en grand nombre autour de Saint-Georges Vizina. Ça avait été vraiment, vraiment spécial. Encore aujourd'hui, j'en chère le poule de raconter ça. Il dit qu'on a manqué ça l'année passée, les Sags. Je le dis souvent à l'organisation des Sags. Ça ressemble pas mal aux Expos de 94 qui s'est passé avec les Sags l'année passée. Là. C'était, au moment de l'interruption, probablement la meilleure équipe de la Ligue l'an passé, les Sags. Effectivement. Donc, c'était vraiment intéressant. Bravo en tout cas Anthony, puis 800 matchs à 30 ans, et c'est sûr qu'il t'en manque 31 200 pour rattraper Jacques Doucet, qui en a décrit à peu près 35 000, mais ça c'est pas grave. Ouais, il a eu la chance de faire du baseball, ça va un peu plus vite. T'aimerais-tu ça faire un autre sport? C'est-tu quelque chose qui t'aurait, qui te tenterait? Ben, tu fais de la course automobile, là, mais je veux dire du Ouais, je fais de la baseball ou. course, mais tu as raison. Moi, le baseball, je suis un maniaque de baseball. Au moment où je te Ouais. parle, je viens de regarder justement la victoire des Red Sox de Boston. C'est Vont un jeu bien, Red Sox. spectaculaire d'Alex Verdugo dans le champ gauche. Les Red Sox, 8 victoires de Ils suite. vont bien. Qui aurait dit Vont ça? très, très bien. Non, j'adore la game de baseball. C'est de loin le sport dans lequel j'excellais le plus jeune. C'est probablement le sport dont je me fascine le plus au niveau de la stratégie. Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial. Puis avec la Ligue américaine, ça a ça de bon. Souvent, et surtout cette année, on a l'occasion de jouer des programmes doubles, des programmes triples contre la même formation. Et ça, j'adore ça. T'sais, me voir comme descripteur d'une équipe de baseball, de me déplacer, exemple, à Milwaukee, aller passer 3 jours, tu t'installes à l'hôtel, tu vas faire ton match, tu vas au restaurant après. C'est quelque chose que j'ai toujours, toujours eu en arrière de la tête. Si on me donne un jour l'opportunité de faire du baseball, c'est sûr que je saute à pieds joints dans l'opportunité. J'aimerais avoir l'occasion justement de décrire du baseball, mais les opportunités Non, non. sont très, très peu Non, fréquentes, non, évidemment. c'est sûr, effectivement. Anthony, puisque je t'ai, évidemment, tu es la voix du Rocket de Laval, faut que je te parle de Cole Caulfield. Écoute, il n'y a pas une journée qu'on ne parle pas à Montréal de Cole Caulfield. Mais c'est Montréal, hein? C'est Montréal, tu veux que je te dise. C'est sûr que je ne peux pas comparer ça avec Ryan Pelling. C'est pas le même style de joueur, c'est pas le même type de joueur. Mais moi, j'avais la réflexion en fin de semaine. Calmons-nous les nerfs un peu, Cole Caulfield. J'ai vu encore en fin de semaine des titres, la merveille du Wisconsin. Je dis pas que ça fera pas un bon joueur. Je pense que ça va faire un marqueur de 30-35 buts. Mais de là à dire l'appeler la merveille du Wisconsin, calmons-nous les nerfs. Je sais pas si tu es d'accord avec nous. Ben, c'est sûr que c'est beaucoup d'attentes, évidemment. C'est un espoir qui est très attendu. Il a dominé toute la saison au niveau collégial américain. Il a marqué des buts partout où il est passé, le Cole Caulfield. Ouais. On ne peut pas faire de cachette. Il vient de connaître un week-end remarquable avec le Rocket. C'est un petit gars qui est spécial. Sérieusement, Okay. c'est un petit gars qui est spécial dans la mesure où je trouve qu'il a un flair pour le filet qui est indéniable. Il est capable de se placer en situation de marquer, comme bien peu de joueurs. Il a Ça va vraiment un prendre des joueurs instinct pour le. Par offensif. contre, ça va prendre des joueurs pour le pour la clé pour le pour bien l'alimenter. On va dire Oui, là. ça c'est certain, mais je pense qu'il a vraiment le potentiel de devenir un des meilleurs marqueurs de but de la Ligue nationale. Le potentiel est plus élevé pour moi que 35 buts par année. OK. J'ai vraiment de grandes attentes. C'est pas moi qui va éteindre les attentes pour Cole Caulfield. Je pense vraiment que le Canadien a un petit joyau entre les mains. Faut juste qu'on l'entoure comme il faut, oui, que ce soit dans de bonnes dispositions quand on va le rappeler. Mais je pense vraiment qu'il est vraiment pas loin de la Ligue nationale. S'il n'est pas déjà un joueur de la Ligue nationale, ben, il fait certainement partie des meilleurs joueurs au monde à ne pas y jouer présentement. Donc, on OK. verra comment le Canadien va gérer son cas, mais je peux pas croire qu'on va le garder longtemps dans la Ligue américaine. Il est bien meilleur que la Ligue américaine. C'est sûr qu'il y a du fignolage à faire. C'est sûr qu'il y a du travail à faire au niveau défensif. Mais Cole Caulfield, quand tu le repêches, pour marquer des buts. Alors, il va marquer des buts. Ça, il n'y a pas de doute. Effectivement. Alors, Denis, mais félicitations terminant pour ton podcast que j'ai pas encore écouté, mais je vais sûrement l'écouter parce que ça manquait un podcast de course automobile. Félicitations encore une fois. Ça s'appelle le gars de course, c'est ça? Ouais, mais ça, en fait, c'est notre site web là, que j'ai formé OK. avec des amis là, qui s'appellent Les Gars de course. Nous, on va présenter un magazine qui s'appelle 7 semaines aux courses les lundis soirs à 20h30. Donc, on est sur le web, sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Et dès le lendemain matin, ben, on a la version podcast de 7 semaines aux courses qui est en fait vraiment un magazine télévisuel pour le web. On se permet d'utiliser des séquences de courses, des faits saillants et tout ça, puis on les commente, Mais puis y on a a-t-il des la entrevues. F1, puis l'IndyCar, puis le NASCAR? Oui, hein? Ouais, exact. Puis évidemment, nous, on a un aspect très, très local à notre Ouais. émission. On est actif dans le monde des courses sur terre battue au Québec, là, autant là, à Granby, Drummondville, tout près de Sorel-Tracy aussi. Donc, c'est des gens là, pour qui on travaille l'été. Donc, c'est sûr qu'on a un Ouais, c'est aspect normal très aussi. terre battue autour de ça, là, parce que les gens qui nous suivent, c'est surtout des amateurs de courses sur terre battue. Mais comme effectivement, tu l'as dit, ça manque énormément ce genre de trucs-là au niveau local, ben nous, on couvre très large. Et cette semaine, bon, on a jasé NASCAR, on a jasé IndyCar, on a jasé de F1 parce que c'est un gros week-end qui nous attend. Là. Les trois séries vont être en piste en fin de semaine. Ouais. Donc, on a mis la table pour ça. Il y a à peu près 70 000 podcasts de hockey, 60 000 de baseball, 60 000 de football, mais très peu de courses automobiles. Ah oui, il y en a presque pas. T'as raison, il y en a presque pas. Je trouve ça dommage. Il y a quand même Lance Stroll, il y a quand même Raphaël Lessard qui se bat pour rester en piste. J'espère qu'ils vont trouver une façon, encore cinquième aujourd'hui aux qualifications. Donc, ce gars-là a le talent pour aller en Coupe. Mais malheureusement, j'espère que ça ne fera pas comme Andrew Ranger, les Marc-Antoine Camiran, les Michael Grenier, qui avaient le talent pour aller très loin, mais malheureusement, l'argent les a arrêtés. Ouais, c'est malheureux. Tu sais, j'adore la course automobile, mais ça, c'est bien. C'est évidemment la portion la plus plate. Ouais, du sport, c'est le dandy financement. À chaque niveau des courses, il y a des gars qui n'ont pas d'affaires là, mais parce qu'ils arrivent avec des mallettes bien pleines d'argent, ben ils s'y trouvent une place, alors que d'autres bien plus talentueux, c'est un frein à leur progression. Il y a des belles histoires comme celle de Josh Berry la semaine passée en Xfinity, qui lui n'amène aucun dollar de financement chez Dale Earnhardt Jr. Dans son écurie, mais Dale croit tellement en son talent qu'il l'a amené, c'est lui qui s'occupe du financement. Il y en a encore de belles histoires comme celle-là, mais évidemment, elles sont très peu nombreuses. Donc, que voulez-vous? Ça fait partie de la réalité du sport. Merci beaucoup, Anthony. On se reparle bientôt. Salut, Danny. Bye. Anthony.